Chapitre 13. Le veau d'or. Le quatrième étage de l'hôtel Pomerol était, nous l'avons dit, occupé par les serviteurs de la maison et par l'abbé Sulpice. L'appartement de celui-ci se composait de trois pièces. La première servait d'antichambre à la seconde. Cette antichambre avait pour tout ameublement des chaises de paille rangées autour des murs tendus d'un papier sombre et une table de bois noir couverte de papier. La seconde pièce ressemblait à la cellule d'un moine. Une couchette plate en formait le fond. Un prie-dieu, placé sous un crucifix admirable, occupait un des panneaux. La troisième, garnie de livres, placée sur des étagères de sapin, prouvait l'habitude du labeur. Un bureau garni de registres, de cahiers manuscrits, une lampe, un fauteuil pour les visiteurs, une chaise de paille pour l'abbé Sulpice, complétaient cet ameublement. Le jeune prêtre se levait à 5 heures, célébrait une messe matinale à l'église de la Trinité, rentrait à 7h30, prenait un repas frugal et donnait ensuite ses audiences jusqu'à 10 heures. Il descendait alors dans l'appartement de sa sœur et vivait un peu de la vie familiale avant de partir pour Charenton, où l'attendaient les soins divers de l'instruction des enfants, les visites aux malades, les consolations à donner à ceux qui souffraient. Quand il rentrait à l'hôtel Pomerol, le dépouillement de sa correspondance, les réponses à faire l'occupaient 2 heures. Il recevait de nouveau ceux qui avaient besoin de lui parler, allait ensuite ou l'appelait dans Paris les travaux de son ministère, rentrait, prenait dans sa chambre un repas très simple, passait quelques instants avec Sabine, puis goûtait enfin le repos dont il avait besoin après un tel labeur. Il n'était point nécessaire de se faire annoncer chez l'abbé Sulpice. La porte de son antichambre était toujours ouverte. Chaque solliciteur s'asseyait à son rang, riche ou pauvre, et passait à son tour. La grande dame y coudoyait la pauvre couturière. L'artisan s'y trouvait à côté du fonctionnaire influent. Et si, par exception, l'abbé Sulpice accordait à quelqu'un une entrée de faveur, c'était au plus misérable, celui-là ayant moins le temps d'attendre. De tous les coins de Paris, on accourait à l'hôtel Pomerol. Les plus hauts personnages faisaient antichambre chez l'abbé Sulpice, et souvent de notables dignitaires de l'église y vinrent demander un avis au jeune confrère que la sainteté de sa vie plaçait si haut dans l'estime de tous. Un matin, le banquier André Niçois prit place sur une des chaises de la salle d'attente. Lorsque le jeune prêtre le reconnut, il lui tendit les deux mains avec effusion. « Vous m'apportez, dit-il, le vivant souvenir de mon père. Il vous aimait tant. »« Ah, je le lui rendais bien, » répondit Niçois. « Et Dieu m'est témoin que vous, votre sœur et votre malheureux frère, vous m'êtes également cher. »« Que souhaitez-vous de moi ?» demanda l'abbé Sulpice. « Je viens d'abord opérer une restitution. » Grâce à l'aide que vous m'avez prêtée, j'ai pu, sans crise, passer une fin de mois difficile. Je vous rapporte les 100 000 francs que vous aviez mis à ma disposition. Je n'ai point le droit de les refuser, car la fortune paternelle a 3 héritiers. Mais je vous supplie de me faire la promesse de vous adresser à nous, si jamais vous vous trouvez embarrassé. « Je vous le promets, » répondit le banquier. « Ainsi, » reprit Sulpice, « vos affaires continuent leur marche ascendante ? » ?»« Oui, » répondit Niçois. « Je dois même ajouter que le mouvement politique, dont un grand nombre pâtit, m'a été favorable. La guerre, qui ruine beaucoup de spéculateurs, m'a permis d'opérer en grand et de réaliser 3 millions d'un coup de filet. »« 3 millions grâce à une seule opération ?»« Oui, 3 millions. »« Voulez-vous me permettre de vous adresser une question ?»« Sans doute. » Vous aimez l'argent ? Avec passion. Vous ne l'aimez cependant point en avare ? Non, l'avare l'entasse, et je m'en fais honneur. Souhaitez-vous donc une fortune de roi pour effacer par votre luxe le luxe des plus riches ? J'aime l'argent, dit Niçois, parce qu'il est la plus grande puissance de notre siècle, qu'il fonde les journaux, achète la conscience des hommes et domine tout ce qui n'est pas lui. Or, ceux qui le méprisent, ceux-là sont rares. C'est étrange, dit l'abbé Sulpice. J'ai beau chercher sur votre visage les caractères de cette idolâtrie du veau d'or, je ne les découvre pas. La soif de la fortune est, permettez-moi de le dire, une superfétation, une greffe malsaine ajoutée à votre caractère. Plus je vous regarde, plus je reste convaincu que tous les instincts de générosité furent primitivement en vous. Vous ne vous trompez pas, dit André Niçois, mais vous le savez, l'habitude devient une seconde nature. Mon père, né riche, se ruina, ou plutôt fut ruiné brusquement par la faillite d'un correspondant. J'avais 17 ans, l'âge où l'on apprécie les jouissances du luxe, et la perte de la fortune de mon père me fut extrêmement sensible. Il ne survécut guère à son malheur, et les derniers conseils qu'il me donna de sa voix mourante furent de sacrifier les joies de la jeunesse, tout ce que je sentais d'avidité vers la liberté et le plaisir, à la conquête d'une seconde fortune. « Écoute, me dit-il, les Dufernois ont une fille dont la dot sera 1 000 000. Elle a 10 ans, toi 17. Le revers qui nous frappe n'empêchera point Dufernois de te donner sa fille. J'ai tout arrangé pour ton bonheur. Concentre donc tes pensées, tes rêves, ta volonté vers ce but, être riche. Le 1 000 000 est seul difficile à gagner. Quand tu tiendras celui des Dufernois, le reste ira tout seul. Répare non mes fautes, mais mon malheur. Reprends à la bourse la place que j'y occupais. Les souverains se succèdent sur le trône de France. Les rois de la finance seuls sont sûrs de garder leur prestige. » Je répondis à mon père de façon à le rassurer. Cependant, quand il insista sur le projet de mariage avec mademoiselle Dufernois, j'hésitai. Il s'en aperçut. Son regard m'interrogea d'une façon plus directe et je baissai la tête. « Je vais mourir, me dit-il. Je veux ta parole. » Je la lui donnai. Il expira, rassuré sur l'avenir de ma mère et sur le mien. Je tins ma promesse. À partir de ce jour, je travaillai avec un redoublement de zèle, non par amour de l'argent, mais pour obéir au commandement paternel. Je m'adressais cependant un reproche grave. André Niçois s'arrêta et parut hésiter. L'abbé Sulpice lui prit la main. « Parlez, si vous trouvez un soulagement à me raconter votre vie, lui dit-il, je suis un ami. » « Un ami austère, répondit Niçois. « Un confesseur, si vous le souhaitez. » « Pas encore, mais à quelque titre que ce soit, je sais bien que je puis compter sur votre discrétion. » Une pression de main de l'abbé Sulpice fut son unique réponse. « J'étais un jeune homme ardent, fougueux, impatient de secouer tout joug, aspirant plus alors au plaisir qu'à la fortune. La liberté d'action dont je jouissais, le manque de croyance, mes 20 ans, me devaient conduire d'une façon inévitable dans un chemin dangereux. J'y roulais, sans consulter ma mère, oublieux de la parole donnée à mon père, je pris l'engagement formel d'épouser une fille belle et pauvre. Elle me crut, elle espéra, mais lorsque vint le moment de fixer ma vie, quand j'eus 25 ans, l'âge d'un homme, et que mademoiselle Dufernois en compta 18, ma mère me rappela l'ordre paternel. Je demandais du temps. Le courage me manquait pour dire à une créature confiante. J'ai menti, pour lire dans ses yeux le mépris que lui inspirait ma conduite. André Niçois frissonna. Oui, cela était horrible en effet, dit l'abbé Sulpice. Mais ne pouviez-vous tout avouer à votre mère? Elle aurait raillé mes scrupules. Ne jugeant point mon manque de parole au point de vue religieux, elle eût trouvé ma faute légère et n'eût point eu pitié de mon hésitation à briser le cœur de la malheureuse enfant à qui j'avais dit « Vous serez ma femme ». D'un autre côté, la famille Dufernois me traitait en futur gendre. Mademoiselle Coralie me considérait depuis longtemps comme son fiancé. Je me trouvais garrotté par les engagements de mon père. mon attitude dans la maison, les intimes rapports que ma mère entretenait avec nos amis. Sans nul doute, si j'eusse avoué la vérité à Coralie Dufernoy, sa fierté l'eût portée à me conseiller d'épouser la pauvre fille à qui j'avais fait une promesse sacrée. Mais il faut être vrai jusqu'au bout et dévoiler, sinon sans honte, au moins sans restriction, les lâchetés, les turpitudes de mon misérable cœur. Je sentais que Mademoiselle Dufernoy, élevée dans l'idée de devenir ma femme, me portait une tendresse affectueuse, un peu craintive, pleine de charme, de mystère et de grâce. Jamais elle n'avait songé qu'un autre homme pût avoir de l'influence sur sa vie. Cette âme candide se réjouissait d'obéir aussi aisément à sa famille, qui lui ordonnait de me prendre pour mari. Elle me témoignait une déférence touchante, ne faisait rien sans mon avis, sans mon conseil. À mesure qu'approchait l'époque fixée pour notre mariage, elle devenait plus empressée, et cependant elle restait digne, calme et souriante. Sa beauté, sa distinction me captivaient. Je comparais la jolie et riche Mademoiselle Dufernoy avec l'humble fille qui m'avait confié sa destinée. Et cependant, libre, je n'eusse point hésité. Mon cœur allait plus impérieusement du côté de celle qui avait reçu ma première parole. Mais la raison, la société, tout ce qui m'entourait me poussait vers Mademoiselle Dufernoy. On fixa des dates, j'acquiesçais à tout, faute d'abord de trouver une raison plausible à opposer à ce que l'on attendait de moi. Puis, quand je me trouvais engagé, de façon à ne plus pouvoir regarder en arrière, je me demandais ce que l'autre allait devenir. Encore une fois, le banquier s'arrêta, comme écrasé par le poids de ses souvenirs. On eût dit, à voir son regard fixé dans le vide, qu'il contemplait en ce moment une apparition étrange évoquée par ses propres paroles. « Que c'est loin !» fit-il. « Que c'est loin !» Et cependant, quand je me reporte à ces jours, il me semble que tout cela se passait hier. Lorsque mon mariage fut conclu, je prétextais un voyage afin d'expliquer mon absence, et je dis à la pauvre abandonnée que je resterais un mois éloigné de Paris. 8 jours après, j'étais l'époux de Mademoiselle Dufernoy. Ma femme possédait assez de qualités pour m'attacher à elle. Du jour où elle me fut unie, il me sembla que j'entrais dans un monde nouveau. J'en vins même à me dire qu'en agissant comme j'avais fait, j'avais suivi la règle du devoir. Je chassais les remords qui me troublaient quelquefois en me demandant si quelque pensée ambitieuse n'avait point seule motivé l'apparente confiance de celle dont je ne me souciais plus. Non content de la trahir, j'en venais à la calomnier. Il fallut bien que, sur ce point du moins, je m'avouasse vaincu. Quand ma première fiancée apprit qu'au mépris de mes serments, je venais d'épouser Mademoiselle Dufernoy, elle m'écrivit une lettre respirant le pardon le plus absolu. Elle suppliait le ciel de ne la point venger, mais elle ajoutait « Frappé au cœur, je ne saurais plus vivre. Un Dieu juste qui châtie toutes les fautes vous fera expier celles dont vous vous êtes rendu coupable. Hélas, ma plus grande peine à cette heure est de savoir que ma tendresse ne vous préservera pas du châtiment. » Un jour, j'appris qu'elle s'était noyée. « Pauvre enfant !» murmura l'abbé Sulpice. Hélas, cette mort raviva à peine le sentiment de ma faute. J'oubliais ma victime en voyant un enfant à mon foyer. Cet enfant devint ma joie, ma félicité, mon espoir. Je lui vouais ma force, mes talents, mon avenir. Je me sentis devenir meilleur près de son berceau. C'était un bel enfant, blanc comme le lait, avec des yeux bleus, doux et purs. Sa chevelure, d'une teinte étrange, fauve, flamboyante, rendait plus originale sa physionomie spirituelle et mutine. Sa mère en raffolait. Jusqu'à ce moment, mes ambitions de fortune étaient restées modérées. La dot de ma femme, ce que j'avais acquis, me semblait suffisant. Je m'abandonnais au bonheur de vivre, me promettant de me lancer plus tard dans les aventures de la spéculation. Tout concourait à m'endormir dans mon bonheur. Rarement le souvenir de la pauvre morte revenait à ma mémoire, et quand il la traversait, il n'y laissait aucune angoisse. Le bonheur porte en soi une étrange confiance. Mais la jeune fille l'avait dit, Le châtiment devait venir. Il tarda 4 ans. Le banquier essuya ses tempes couvertes d'une sueur froide. « Courage, courage !» lui dit l'abbé Sulpice. À cette époque, je dus faire un voyage en Autriche. Ce voyage pouvant durer plus de 3 semaines, je ne songeais point à emmener ma femme et mon fils. J'étais à Vienne depuis 15 jours, quand je reçus une lettre désespérée de ma femme. Elle contenait ces seuls mots. « On a volé notre enfant. » La foudre fut tombée sur ma tête, que je ne me serais pas senti plus épouvanté, plus anéanti. On avait volé notre enfant. Qui? Pourquoi? J'accourus à Paris, fou de douleur. J'interrogeai ma femme. Elle ne savait rien, rien. Pendant mon absence, une nouvelle servante était entrée à la maison, et 4 jours après, l'enfant avait disparu pendant une promenade. La servante, redoutant la colère, les larmes, les reproches de ma femme, n'était pas rentrée. Une plainte déposée chez le commissaire de police la fit retrouver. Elle tomba à nos genoux, pleura, sanglota. Elle était sincère. Voici ce qui s'était passé. Envoyée aux Tuileries pour promener l'enfant, elle avait gagné par ses prières, traversé la partie des Champs-Élysées où les marionnettes attirent les spectateurs de l'âge de mon fils. Une foule nombreuse entourait la baraque. L'enfant, en jouant, en soulevait la toile, cherchant à pénétrer le secret des coulisses des acteurs de bois. Sa bonne riait de son gros rire, mais subitement, à la fin de la représentation, un grand mouvement s'opéra dans la foule. Des enfants crièrent, des mères prirent peur. Un grand désordre s'ensuivit, et quand la servante chercha l'enfant confié à ses soins, elle ne l'aperçut plus. Elle appela, courut, questionna en vain. Personne n'avait vu mon petit Roger. Je remplis les journaux de promesses, de réclames. Peine inutile, vaine attente. L'enfant ne revint pas. « mon Dieu !» me dit un jour ma femme. « Nous n'avons cependant fait de mal à personne. » Alors je me souvins. La perte de l'enfant, c'était le châtiment de Dieu. « Et, » demanda l'abbé Sulpice, « cette idée ne vous amena-t-elle pas au repentir ?»« Non, » dit André Niçois. « Ma douleur fut sauvage, farouche, égoïste. Loin de me rendre meilleur, elle m'endurcit. »« Hélas !» murmura le prêtre. Je blasphémais Dieu qui châtiait une femme et un enfant innocents de mon propre crime. Je ne voulus plus même me trouver coupable. Je me répétais les sophismes à l'aide desquels les jeunes gens s'absolvent des criminelles légèretés de leur conduite. Je comparais ma vie brisée à leur facile existence et je criais à Dieu qu'il n'était pas juste. J'espérais, mais vainement, qu'un autre petit ange adoucirait la perte de Roger. Ce vœu ne fut point exaucé. Nous restâmes seuls, ma femme et moi, avec le cuisant souvenir de l'enfant disparu. Il m'est arrivé souvent de suivre dans la foule des petits mendiants ayant quelque analogie avec mon fils. J'arrêtais les vagabonds, les saltimbanques, traînant après eux de petits misérables à qui ils enseignent leur infâme métier. Je les interrogeais, comme s'il pouvait me donner des nouvelles de mon enfant. J'avais des crises de désespoir pendant lesquelles je labourais ma poitrine avec mes ongles et je pleurais ensuite à sanglots comme une femme. Il m'arriva plus d'une fois dans les éclats de mon chagrin de révéler, sinon la vérité, du moins une partie de la vérité à ma compagne. Elle devina le reste. Lentement et d'une façon progressive, elle se retira de moi. Je la sentis se détacher de ma vie, comme une fleur brûlée quitte la tige qui la soutenait. Elle me voua une sorte de haine sourde. Elle m'accusa au fond de son âme d'être la cause de son malheur. L'amour pour l'enfant volé l'emporta sur la tendresse qu'elle m'avait vouée. Elle se rappela mes atermoiements à l'époque de notre mariage, l'inquiétude dont elle s'était alors demandé la cause et qu'elle constatait en dépit de mes efforts pour la dissimuler. Je cessais enfin d'avoir une compagne, une femme, une amie. Madame Niçois resta le modèle des femmes. Sa conduite demeura au-dessus de toute atteinte, mais elle ne fut plus pour moi qu'une ombre silencieuse, assistant à ma vie et ne la partageant plus. Je tentais d'inutiles efforts pour la rattacher à moi. J'échouais. L'orgueil me défendit d'insister davantage, et je me trouvais seul, tout seul. De cette époque date ma soif de fortune. Ne pouvant aspirer au bonheur, je me souvins des conseils de mon père oubliés pendant les années heureuses. Je me dis que tout mentait en ce monde, la tendresse de la femme, les joies promises par l'enfant, et que seule l'ambition de l'or tenait ce qu'elle promettait. L'or rend influent, l'or achète les dignités que l'homme n'a su conquérir, l'or ouvre toutes les portes, triomphe de toutes les difficultés, brise tout sous l'effort de sa puissance. Si j'apportais trop d'audace dans mes entreprises, le succès les couronna presque toutes. Des embarras passagers ont pu me troubler, les résultats définitifs dépassèrent toujours mes espérances. J'ai livré maintes batailles sans trouver mon Waterloo financier. On cite mon nom à côté des plus illustres dans le monde des affaires. Et cet or dont j'ai eu soif, j'en ai aujourd'hui à ne savoir comment le dépenser. Trouvez-vous donc dans sa possession les joies que vous en attendiez ? Je me suis blasé sur la satisfaction de me sentir riche, répondit le banquier, mais non pas sur l'orgueilleuse comparaison que je pouvais faire entre ma situation et celle de ceux qui manquent de tout. Ainsi, dit l'abbé Sulpice, vous avouez que l'amour de l'or vous a été funeste. Mieux vaudrait avoir moins de valeur dans vos coffres et plus de sainte pitié dans le fond de vos entrailles. De la pitié pour quelqu'un, moi ? Et pourquoi pas, mon ami ? Parce que nul ne souffrit ce que j'ai souffert. Avez-vous oublié, demanda le prêtre en se levant, quelle épreuve nous subissons à cette heure, Sabine et moi ? Non, dit André Niçois, non, sans doute, mais mon enfant, vous ne regrettez qu'un frère. Monsieur, dit l'abbé Sulpice, nous pleurons avec ce frère, victime d'une déplorable erreur, la perte de l'honneur de la famille, et Dieu sait quel prix nous y attachons. Nous pleurons car les douleurs de Sabine sont les miennes, une alliance bénie par mon père. Quoi ? Mademoiselle Sabine n'épouse pas monsieur Fougeret ? Elle ne le peut plus, monsieur, et je l'approuve, car elle ne peut apporter en dot notre honte imméritée à un loyal garçon plein de talent et de cœur. Mais je le déplore, car je me demande si l'esprit de Bénédicte est assez trempé pour résister à cette épreuve. Jugez de l'amertume de nos regrets à tous deux si cette noble intelligence perdait le sentiment du beau, du bien, du vrai. « Tout cela est affreux, » dit André Niçois, « et vous ne maudissez pas la main qui vous frappe. Nous l'adorons même dans ses rigueurs. Qu'espérez-vous donc ? Que la lumière se fasse en ce monde. Et si elle ne se faisait pas, si, comme les urs que votre frère expirait, sans avoir vu proclamer son innocence, j'attendrai cette justice là-haut, » fit le prêtre en désignant le ciel. « Là-haut ? » répéta le banquier. « C'est l'air, l'éther peuplé d'astres que nous ne comptons jamais, et voilà tout. Je ne crois pas à l'autre vie. Et voilà pourquoi vous ne pouvez pas être consolé. Croyez-moi, il n'est point de douleur si amère qu'elle soit, que la foi n'allège. Ah, si reconnaissant la main qui vous frappait, vous vous étiez courbé, humilié, anéanti devant la justice céleste. Si vous aviez pleuré votre faute au lieu de maudire, vous auriez moins souffert, je vous l'atteste. Et puis, au nom de l'enfant que vous pleuriez, si vous eussiez soulagé les misères, protégé les mères pauvres, accueilli les orphelins, qui vous dit que vous n'auriez pas désarmé Dieu et qu'il ne vous eût point rendu ce Roger dont le nom fait encore couler vos pleurs ? Le banquier secoua la tête. « J'ai cessé d'attendre mon fils. Je ne puis plus souffrir désormais. Merci de m'avoir écouté si longtemps avec une angélique patience. Mon cœur reste fermé à ce Dieu que vous voulez me forcer d'aimer. Il faut l'avoir connu, servi comme vous dès l'enfance, pour trouver de la joie dans l'abnégation, dans le sacrifice. » Ainsi, demanda l'abbé Sulpice, je ne vous serai bon à rien ? Gardez-vous de le croire. Je vous regarde comme le plus sincère de mes amis, et les amis sont rares. Si jamais je souffre de nouveau, c'est encore à vous que je viendrai confier ma peine. Le banquier serra la main du jeune prêtre et quitta la chambre de Sulpice. « Mon Dieu, dit l'abbé Pomerol quand il se trouva seul, auriez-vous brisé cette âme sans l'attirer à vous ?» Pendant longtemps, le prêtre resta prosterné, priant avec ferveur pour cet homme dont chacun enviait la joie et qui cachait au-dedans de lui de si terribles tortures. Quand il descendit, il trouva Sabine qui rentrait. « Tu viens de là-bas ? » lui demanda-t-il. « Oui, » répondit-elle d'un signe de tête. « Parlons de lui, » ajouta l'abbé Sulpice. « Je l'ai trouvé plus accablé que jamais par son malheur. Sa santé, ébranlée par tant d'angoisses, me donne de grandes inquiétudes. Une fièvre continue le dévore. Si je n'avais l'espoir de voir casser un jour la condamnation de Xavier, en vérité je demanderais à Dieu qu'il l'appelât à lui. Tu as raison d'espérer, Sabine, même contre toute espérance. Si ce malheureux enfant persévère dans la révolte de son esprit et de son cœur, nous prions, nous souffrons avec lui, pour lui, et le martyre des uns sera joint au supplice de l'autre. Qui sait d'ailleurs, ajouta l'abbé Sulpice, si l'occasion de nous dévouer ne va pas s'offrir d'elle-même, si les femmes ne seront pas appelées à remplir une sublime mission, et si de tous nos revers ne jaillira pas la divine étincelle qui embrase et purifie. Ah, dit Sabine, je le comprends. Si tu n'avais songé à l'abandon dans lequel tu me laisserais, tu serais parti à la suite de notre armée. Soldat de la croix, tu aurais affronté la mort à côté des soldats du glaive. En voyant s'éloigner tant de jeunes et valeureux prêtres, je me suis dit souvent que ta place était au milieu de leurs phalanges. Mais le courage m'a manqué pour te conseiller de les suivre. Je me suis demandé ce que je deviendrais entre mon pauvre frère au désespoir et le souvenir de celui que je ne reverrai plus. Tu le regrettes, Sabine, tu le pleures. Pourquoi ne pas le rappeler ? Mon devoir me le défend, le malheur a sa dignité. J'aime mieux qu'il me croie insensible, parjure même, que de me sentir égoïste et lâche. Si je ne parviens pas à étouffer tout de suite en moi une affection encouragée par mon père et que tu avais bénie, je me montrerai digne de la tendresse de cet honnête homme en emportant le deuil comme une veuve. En ce moment, Baptiste entra, apportant les journaux. L'abbé Sulpice en déchira les bandes d'une main rapide et en parcourut les colonnes d'un regard anxieux. Des exclamations entrecoupées s'échappaient de ses lèvres. Son regard se voilait, son cœur battait d'angoisse. « Vaincu, dit-il à Sabine, non pas vaincu dans une lutte égale, mais écrasé par le nombre. Partout est toujours des revers, et la gloire dont se couvre l'obscur soldat, en multipliant des prodiges de valeur, ne parviendra pas à sauver l'armée, à protéger la France. Ah, ma sœur, le ciel abandonne-t-il donc la patrie de Charlemagne, de Saint-Louis et de Jeanne d'Arc ? L'invasion qui grandit comme une marée menaçante va-t-elle se ruer sur Paris ? Nous n'avons plus la houlette de Geneviève à opposer à la massue d'Attila. C'est horrible, navrant, écœurant aussi, on dirait la France trahie. Livré, vendu par quelque Judas moderne, rien ne réveillera donc dans le cœur de tous ce sublime sentiment qui s'appelle l'amour du pays. La France ne se lèvera pas tout entière, frémissante, indignée, invincible, car la domptée n'est au pouvoir d'aucune nation quand elle n'accepte pas la honte de la défaite. On parle quand il faudrait agir, on dresse des plans quand il s'agit de s'armer, et pendant ce temps l'armée prussienne nous presse de ses plis comme un serpent monstrueux et finira par nous étouffer. « Quoi ? » s'écria Sabine. « Tu croirais que la France sera vaincue ? Oui, peut-être aussi comme toutes les nations que le luxe amollit, que le vice dévore de sa gangrène, a-t-elle mérité une rude épreuve ? Mais celle-là semble effroyable à mon cœur de prêtre et de français. Je ne puis me résoudre à songer que le soldat protestant poserait son pied sur la gorge de la France catholique. Et cependant, ils n'oseront pas attaquer Paris, du moins, ces lourds Allemands tant de fois vaincus par nous. Ils l'oseront, c'est leur revanche à eux. Que vas-tu faire ? Demanda Sabine. Quand il s'est agi de te voir partir, suivre notre armée et t'en aller loin, me laissant deux fois orpheline, je l'avoue, le courage m'a manqué. Mais s'il faut lutter à tes côtés, à ma manière, prendre ma part du fardeau commun, aider à panser les blessures, à consoler, à soutenir, à remplir enfin mon rôle de femme, Compte sur moi, Sulpice, la sœur se montrera digne du frère. Mes hésitations, mes faiblesses seront oubliées en face du péril, et prenant le dessus de mes misères, de mes épreuves, je me ferai tout à tous pour l'amour de celui qui nous frappe. » Baptiste ouvrit rapidement la porte du cabinet de travail dans lequel se trouvaient le frère et la sœur, et dit d'une voix singulièrement émue, « Monsieur l'abbé, les chefs d'atelier de Charenton vous demandent. »« Faites-les entrer, » dit Sulpice, « je vais les rejoindre. » « Reçois-les ici plutôt, » répliqua mademoiselle Pomerol. « Ne sont-ils pas un peu de la famille ?» Baptiste alla porter aux travailleurs la réponse de l'abbé Pomerol, et une seconde après, une vingtaine d'hommes d'âge différent, vêtus sans recherche, mais avec une propreté scrupuleuse, entraient dans la grande pièce où se trouvaient les enfants de leur ancien patron.